Merci pour votre fidélité à nos ondes. Bonsoir et bienvenue à l'écoute de ce journal. Voici tout de suite les titres. Il y a encore un long chemin à parcourir pour que la gouvernance démocratique atteigne un pas satisfaisant au Burundi. Analyse faite par le vice-président et porte-parole du parti Sahorien Frodebou à l'occasion de la commémoration du 31e anniversaire de la victoire de la démocratie au Burundi. Revue à la hausse des prix des boissons de la Broie-Routi ce samedi. Comme exemple, le prix du Primus 50 centilitres est passé de 1500 francs à 1800 francs, prix du consommateur. Vous entendrez les détails. L'emploi type reste une grande préoccupation dans la mise en application de la politique salariale. Cette question a été soulevée lors d'une réunion sur la gestion du personnel des différents ministères ce mercredi. Le ministre de la fonction publique ne l'a pas affirmé. Vous entendrez les détails aussi. Voilà pour le sommaire. À la présentation d'Auré Bingabilé, Alphonse Koukimana sur la mise en onde. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. C'est plutôt François Akimana qui assure la mise en onde et non Alphonse Koukimana. La gouvernance démocratique n'a pas encore franchi un pas satisfaisant au Burundi, d'où il y a un long chemin à parcourir. Ce sont les propos tenus par le vice-président et porte-parole du parti Sahorien Frodebou au cours d'une conférence publique. C'était à l'occasion de la commémoration du 31e anniversaire de la victoire de la démocratie au Burundi. Phénias Nigaba a appelé tous les Burundais à conjuguer les efforts pour consolider la démocratie léguée par Melchior Ndadaye, premier président démocratiquement élu. On l'écoute. Au niveau démocratique, nous voyons qu'il y a quelques symboles de la démocratie. Ici, on peut parler des partis politiques. Les partis politiques sont là, même s'ils ont des problèmes. Il y a les médias. Les médias sont là, même s'il y a des problèmes au niveau des médias. Il y a les organisations de la société civile qui fonctionnent très difficilement. Il y a les élections qui sont organisées périodiquement, même s'il y a des problèmes au niveau de ces élections. Je dirais qu'il y a tous ces principes de la démocratie, mais je dis que les problèmes ne manquent pas. Mais si on regarde très bien comment Ndadaye pense au niveau de cette gouvernance démocratique, il y a beaucoup de choses à faire. On n'a pas trop avancé parce que tous ces principes de la démocratie connaissent des problèmes actuellement. Je vous dis qu'au niveau des partis politiques, vous voyez des fragmentations, vous voyez les partis politiques, les nyakurisations qui naissent de jour au jour. Au niveau des médias, vous voyez qu'il y a des problèmes au niveau des médias. Il y a des dossiers que vous ne traitez pas. Ici, je dirais, il n'y a plus le journalisme d'investigation, alors que c'est pour l'intérêt de la population, nous avons besoin de ces informations. Au niveau des élections, on vous a interdit, au moment où on fait le comptage, de parler les chiffres qui sortent des différents bureaux de vote. Vous voyez qu'on vous prive au niveau des médias. Ça, c'est il y a la liberté qui n'est pas garantie au niveau des médias. Les symboles de la démocratie sont là, mais le chemin est encore long. Il faut que tout le monde s'investisse, que ce soit des partis politiques, les organisations de la société civile, tous les Burundais, étant au parti ou indépendant, il faut que chacun apporte sa contribution pour qu'on puisse consolider cette démocratie. Phénias Nigaba, il est vice-président et porte-parole du parti Sahorien Frodebou. L'emploi type reste une grande préoccupation dans la mise en application de la politique salariale. Les chargés des ressources humaines de différents ministères qui s'exprimaient dans une réunion sur la gestion de leur personnel ce mercredi ont relevé notamment la difficulté de cette catégorisation de nouveaux emplois survenus après la mise en application effective de cette politique couplée à de changements d'emploi type. Le ministre de la fonction publique le reconnaît et appelle ces derniers à dresser un rapport pour le traitement de ces cas. Des détails avec Jean de Dieu Irakoze. Depuis la mise en application de la politique d'ajustement salarial, soulève certains chargés des ressources humaines au sein des ministères sectoriels. Certains fonctionnaires continuent d'être rémunérés sans tenir compte de leur emploi type actualisé. L'emploi type nous pose beaucoup de problèmes car on s'est basé sur les données de 2020, lesquelles ont été mises en application en juillet 2023. On rappellera que notre ministère a presque entièrement changé. Cependant, en 2022, on avait donné une liste actualisée des emplois types corrigés, mais il n'a pas été utilisé. Ce que nous pouvons faire est de nous demander les listes contenant le vrai emploi type. D'autres encore, poursuivent-ils, ont changé de fonction mais ont gardé l'emploi type de départ. Concernant les réaffectations, ne voyez-vous pas que ça va créer des conflits en ce qui concerne l'emploi type, notamment quand on mute une personne du cabinet ministériel vers le département ou vice-versa? Nous voudrions votre appui concernant la gestion de ces cas. D'autre part, il existe de nouveaux emplois non encore catégorisés suivant la grille d'harmonisation salariale en vigueur. L'emploi type est une grande préoccupation pour les chargés des ressources humaines. Il est nécessaire de faire ces corrections, mais en ajoutant qu'il y a des nouveaux postes qui nécessitent d'être cotés. Vous allez nous apporter de la lumière là-dessus sur comment procéder pour ce cas. Sur toutes ces préoccupations, le ministre de la Fonction publique appelle ses responsables à produire un rapport qui précise les réels emplois types et les emplois types en cours d'occupation pour des corrections. Allez et établissez une colonne de vrai type d'emploi et le type d'emploi actuel. Si les deux correspondent, ce sera correct. Ensuite, établissez une colonne d'observation pour mentionner le cahier de charge. Une fois que ce document nous sera parvenu, je pense qu'il nous sera facile de corriger. Venuste Muyabaga affirme que cela ne présentera pas un impact budgétaire puisque, dit-il, des majorations pour les uns seront compensées par des diminutions pour les autres. Jean de Dieu, Irakodze, revu à la hausse des prix des boissons de la Brahoudi ce samedi, ils ont été majorés entre 100 et 500 francs au Burundi. Ainsi, comme exemple, le Primo 50 centilitres est passé de 1500 francs burundais à 1800 pour le consommateur, tandis que celui de 72 centilitres qui coûtait 2200 s'achètera à 2500. Le prix de l'Amstel 65 centilitres qui était à 3000 francs burundais a été fixé à 3500. Quant aux boissons gazeuses, elles s'achèteront à 1600 alors qu'elles étaient à 1500. Dans un communiqué que la Brahoudi a sorti ce samedi même, elle explique que ce changement, de prix par l'augmentation des coûts de matières premières, des emballages et le coût de transport. Ces prix avaient été revus à la hausse le 1er août 2023. Et on vous rappelle que le tribunal de grande instance de Mukaza a décidé le maintien en détention préventive de Sandra Muhoza, journaliste de la Nova Burundi, après sa comparution en date du 6 mai dernier. Muhoza a été détenue à la prison centrale de Mimba depuis jeudi 18 avril 2024. Elle est poursuivie pour deux infractions, atteinte à l'intégrité du territoire national et aversion raciale. Elle a été arrêtée le 13 avril cette année. Elle venait de répondre à un appel d'une personnalité qui promettait de lui fournir des informations en province Ngozi. Sa défense trouve que Sandra devrait être libéré immédiatement. De son côté, le journaliste Kenny Claude Nduwimana est locataire de la même prison centrale de Mimba depuis octobre l'année passée. Il est accusé d'outrage envers les dépositaires de l'autorité publique et atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ce confrère a comparu le 2 mai devant le tribunal de grande instance de Mukadza. Après audition, le tribunal a remis l'audience le 16 juillet prochain et pour cause, son co-accusé dans cette affaire a été libéré provisoirement et ne s'est pas présenté à cette audience du 2 mai. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. Il est 18h passé de 9 minutes dans nos studios. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos plateformes sociales. Sur Facebook, c'est Radio Télévision Isanganiro RTI. Sur X, c'est RT Isanganiro. Dans la suite de cette édition, la Fédération nationale des syndicats du secteur de la santé du Burundi, FNSS, demande au gouvernement de mettre en œuvre les recommandations de l'Assemblée nationale et de l'EAC pour mettre à niveau les infirmiers à 3. Cela est l'une des recommandations à travers une déclaration sortie par ce syndicat ce vendredi. C'était en marge de la célébration de la Journée internationale des infirmiers. Mélancia Kidimana, président de cette fédération, indique que des milliers d'infirmiers à 3 se trouvent en situation de chômage bloqués par situation. Suivez-le. Les évaluations des prestations des infirmiers ATRU réalisées par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et la Croix-Rouge française au Burundi, respectivement en 2001 et en 2005, ont montré l'inadéquation entre les prestations fournies par les infirmiers ATRU et les besoins de la population, en soulignant que leurs compétences ne correspondent pas aux besoins attendus. Pour cela, des recommandations ont été émises par différents acteurs. Dans son document de stratégie nationale pour la formation des personnels de la santé au Burundi, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida avait prévu la mise à niveau des infirmiers ATRU en vue d'améliorer la qualité des soins de santé offerts à la population. Dans le cadre de la romanisation des diplômes délivrés dans la région de la communauté de l'Afrique de l'Est, cette dernière a émis la même recommandation pour permettre aux infirmiers ATRU le basculement complet dans le système BMD. Et l'Assemblée nationale du Burundi, lors des questions orales posées au ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida en 2021, avait recommandé d'organiser la formation de mise à niveau des infirmiers ATRU pour rehausser leurs compétences en vue de satisfaire aux besoins de la population en matière de santé publique. Au lieu de mettre en application cette recommandation qui valorise la profession infirmière au Burundi, certaines autorités du ministère se sont catégoriquement opposées, malgré qu'une commission est sur pied pour cette fin. S'opposer aux recommandations des représentants du peuple, refuser à la population d'avoir accès aux soins de santé de qualité est un comportement anti-civique qui devrait être réprimé. On note aussi que des milliers d'infirmiers diplômés à Troyes se trouvent dans une situation de chômage et ne prétendent pas d'être embauchés dans la mesure où le marché d'emploi ne les recrute plus. Les autorités du ministère se contrarient sur cette question. La Fédération nationale des syndicats du Burundi, FNSS, demande alors au gouvernement d'agir immédiatement et de porter son attention sur la valorisation de la profession infirmière, mettre en œuvre les recommandations de l'Assemblée nationale et de l'EAC pour mettre à niveau les infirmiers à Troyes afin de garantir l'offre de soins de qualité à la population. Nouvelle de province, la pénurie d'eau qui perdure au chef-lieu de la province Ngozi va trouver solution dès la semaine prochaine. Annonce faite par le gouverneur de cette province ce jeudi lors d'un point de presse. Désiré Minani indique que le problème de l'insuffisance du courant électrique est handicapé. Le pompage d'eau prendra fin avec l'ouverture de la centrale hydroélectrique de Kabou 16. Apollinaire Muzagara. Certains quartiers de la ville d'Ongozi viennent de passer 3 mois sans aucune goutte d'eau à la maison, ce qui pousse aux lamentations de la population qui déplore beaucoup d'argent dépensé pour payer les conducteurs de taxi-vélo qui puissent d'eau. Ces habitants disent qu'ils paient entre 500 et 1000 francs pour le bidon de 20 litres et demandent à la régie des eaux de tout faire pour disponibiliser l'eau, affirmant que l'hygiène actuellement reste à désirer. Le gouverneur de la province Ngozi, Désiré Minani, tranquillise que sous peu, ce problème sera vidé avec l'ouverture de la centrale hydroélectrique Kabou 16 la semaine prochaine. Nous avons la centrale hydroélectrique Kabou 16 qui sera bientôt mise en réseau parce qu'on nous a dit qu'on est en train de faire ce qu'on appelle le test à vide et que le test à vide a bien réussi. Donc d'ici la semaine prochaine, Kabou 16 sera injecté dans le réseau. La ville d'Ongozi manque également ces jours-ci de l'eau à boire des bouteilles en plastique de 20 litres. Les distributeurs de ces bouteilles parlent de la pénurie de certains produits utilisés dans la fabrication de cette eau comme cause de cette pénurie. D'Ongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Apollinaire Muzagala pour boucler cette édition du sport. La grande finale de la Ligue des champions d'Europe est programmée ce samedi, c'est à 21h de Bujumbura sur la pelouse de Wembley, grand stade d'Angleterre connu sous un surnom du temple de football avec la capacité d'accueillir 90 000 spectateurs. Le Borussia Dortmund, club de football allemand avec un seul titre de cette Ligue remporté en 1997, va affronter le Real Madrid d'Espagne, le plus titré de la Ligue des champions, c'est-à-dire champion 14 fois. 11 matchs ont opposé ces deux clubs dans l'histoire. Le Real Madrid prend le flambeau avec 5 victoires, le Borussia 3, et pour les 3 autres matchs, ils se sont neutralisés. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci pour votre oreille attentive et fidèle. À la présentation d'Auré Bingabilé, Akimana François assurait la mise en onde. Bonne fin de soirée et bon début du mois de juin. Au revoir. Isanganiro. revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon votre zone d'écoute. Les fraudeurs ne désarment pas, constate l'agence burundaise de presse. La fraude reste d'actualité à la frontière de la République démocratique du Congo et le Burundi à Gatumba, selon des sources bien informées de l'ABP. L'administrateur de la commune Mutimbuzi, Siméon Butoyi, a donné des exemples des cas de passage des produits en provenance de la RDC via le lac et qui ont été interceptés par les chargés de surveillance de la frontière. Selon lui, la semaine dernière, un sac de chanvre a été saisi et brûlé alors que son propriétaire a pris le large. Samedi dernier, un bateau en provenance de la RDC et transportant des pagnes et du chanvre a été attrapé par la marine burundaise alors qu'il tentait d'entrer dans les eaux burundaises. Deux fraudeurs ont été appréhendés. Les auteurs sont en détention et les biens saisis ont été embarqués vers le dépôt du port de Bujumbura, précise ce quotidien gouvernemental. Vers la fin des travaux de modernisation du port de Bujumbura, annonce le journal Burundi Echo. En effet, selon Godlive Ninahazwe, directeur général de l'autorité maritime et portuaire du Burundi, il y a de nouvelles infrastructures comme le chantier naval et le terminal à conteneurs. Ce dernier est déjà terminé et il a été construit de façon à pouvoir accueillir environ 400 conteneurs, explique-t-elle dans les colonnes de cet hebdomadaire socio-économique, qui ajoute que la réception des travaux est prévue au mois d'octobre prochain. Revue de la presse. Marathon dans l'élaboration des palmarès des candidats à l'examen d'État, constate la voix de l'enseignant. On est à la va-vite dans les classes de troisième année post-fondamentale. L'horaire de passation des examens de fin d'année est sujet à des modifications incessantes. C'est pour se conformer au chronogramme du ministère de l'Éducation qui exige que les listes des élèves certifiés lui parviennent au début de la deuxième quinzaine de juin. Mais course effrénée risque de coûter cher aux apprenants, regrette un directeur d'une des écoles de la capitale économique Bujumbura, sous couvert d'anonymat dans les colonnes de la Voix de l'enseignant. Face à ce changement intempestif de l'horaire des examens pour les élèves finalistes, Frédéric Wimenyimana, un enseignant syndicaliste rencontré par cet hebdomadaire de l'éducation, manifeste son indignation en indiquant que ces horaires qui se modifient du jour au lendemain pour que les examens se déroulent dans la précipitation, les conséquences fâcheuses ne manqueront pas. Dans le même ordre d'idées, poursuit son confrère, Amina Bihumugani, élève en troisième sciences sociales et humaines, regrette qu'avec ces modifications incessantes de l'horaire des examens qui se font sans alternance, ils sont déboussolés, ils ont le cœur gros car l'échec est prévisible. Pour la voix de l'enseignant, le ministère de l'Éducation nationale devrait planifier juste au début de chaque année scolaire et indiquer aux partenaires concernés comment les examens externes se passeront pour éviter des désagréments pouvant déboucher sur des résultats médiocres. L'UNICEF remet un don au gouvernement de Gitega, rapporte Net Press, qui précise que cette agence onusienne chargée des enfants et des adolescents, avec l'appui du gouvernement du Canada, vient de remettre au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida 4 usines de production d'oxygène, un don d'une valeur de 2 millions de dollars américains. Selon ce quotidien en ligne, ces usines serviront à renforcer l'accès à l'oxygène médical, à réduire le risque de décès et de couvrir des besoins en oxygène dans plusieurs provinces, dont Ngozi au nord, Bururi au sud, Gitega au centre et bientôt à Tchankouzo à l'est, où cette usine est en cours de construction. Dans une autre dépêche, son confrère rapporte que depuis une semaine, une trentaine d'enfants souffrant de la rougeole sont hospitalisés dans la salle de pédiatrie de l'hôpital de Rumonge. Net Press souligne qu'il est très tôt de connaître les raisons qui seraient à la base de cette résurgence de cette maladie, selon toujours les sources hospitalières citées par Net Press, et fait remarquer que la population locale prise de panique demande au ministère de la Santé publique de tout faire pour maîtriser cette maladie. Ainsi se referme ce journal des journaux préparé et présenté par Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.